décoller. J'avais prévu de m'envoler. Avec ou sans eux, j'ai vite de picoler. Je n'ai pas le temps de rigoler. J'avais prévu de m'envoler. Avec ou sans eux, j'ai vite de picoler. Viré de tous les boulots qui veut de nous. Picard dans la rue, c'est devenu relou. Le miracle, il faut les pelles et nous calcule pas. T'as ouvert ta gueule, maintenant tu parles tout bas. En soirée, c'est le bordel, ça finit toujours mal. Les jaloux font les belles, leur raclif font les balles. Génération Bombers, Levis, boum. Moi j'ai pas de cheveux, j'y mets que des coups de boule. On pèse trop lourd, ghetto, ghetto, place 19 sous, bédo, télo, tasse. Comme d'habitude, en soirée c'est le top. Et vite la casse ou le flop. C'est une menace de glock, on passe partout blaze. Hades, carré, VIP. Les belles gens à cacher. Meuf à coco, blanc HV, disco, roro. Moi j'n'ai pas le temps de rigoler. J'avais prévu de m'envoler. Avec ou sans eux, j'ai vite de picoler. Je n'ai pas le temps de rigoler. J'avais prévu de m'envoler. Avec ou sans eux, j'ai vite de picoler. Ma fille, si si, calcule pas si t'es bonne comme si si. Clip à la télé, slip toujours en place. Des packs la tête au jar, tire les blancs d'as. Clara Morgan, love you, love you. Départ et départ, j'préfère Bintou, Bintou. Phrase et face de la crème. Du 20 moins 1, mon retour va te couper les ailes. T'as connu Oxmo, Bacardi, Dawa la section, puis on t'a pas dit qu'il y avait un jeune rebeu qui brûlait le match. Génération, t'as une bombe repentie, donc tu retentis. Et le DJ passe mon son, j'attire des go à ma tâche. J'ai la tête qui dans le cœur des tasses, garçons sympas, j'pourrais tromper le chat. Moi, j'n'ai pas le temps de rigoler. J'avais prévu de m'envoler. Avec ou sans eux, j'ai vite de picoler. J'n'ai pas le temps de rigoler. J'avais prévu de m'envoler. Avec ou sans eux, j'ai vite de picoler. J'suis un animal au lit, j'suis ton colis. Gosse posé, rassois poli. Pas Tommy, pas Tori. Graille plutôt ce qui est pas catholique. Fesse de ouf, pas trop de bide. Belle ou pouf, j'suis pas tranquille. Cathodique, pas cotille. Scatophile, t'en es une balle copie. Mon son tourne pas le tien. Tu parles beaucoup, mais j'te laisse en chien. Ta jalousie dérange que ma fille. Tu sais ma fille, j'suis un parisien. Parigo, parigo. On l'a amené au fond du but de Paris. Pas, Paris pas. Tu vas y laisser ton calbute. Moi, j'n'ai pas le temps de rigoler. J'avais prévu de m'envoler. Avec ou sans eux, j'ai vite de picoler. J'n'ai pas le temps de rigoler. J'avais prévu de m'envoler. Avec ou sans eux, j'ai vite de picoler. La la la. Plus.